Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gourmet du Pré 1860. Question 92. De la création de la femme. Pourquoi la femme a dû être créée dès le principe? Raison pour laquelle elle a été tirée de l'homme et formée de l'une de ses côtes, elle a Dieu même pour auteur. 1. La femme a-t-elle dû être produite dans la première institution des choses? La création de la femme devait faire partie de la première institution des choses. Je n'en veux pour preuve que ces paroles de Dieu même, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui un être qui lui ressemble. » Genèse 2, 18. Pourquoi fallait-il un aide à l'homme? Était-ce pour le secourir dans ses travaux? Non, car, dans les labeurs ordinaires, il est plus efficacement aidé par un autre homme que par une femme. Mais cette aide était nécessaire pour la propagation de la race humaine. La femme, qui entrait par là dans le plan de l'univers, dut être créée dès le commencement. Note. La vie de l'homme, il est vrai, est coordonnée pour l'œuvre de l'intelligence, qui est plus noble que celle de la génération. Aussi, dans le but de nous faire entendre cette vérité, Dieu créa la femme séparément de l'homme, quoiqu'il voulût que l'homme et la femme se réunissent pour l'œuvre de la génération. Il avait prévu que la femme serait pour l'homme une occasion de péché, mais le monde serait demeuré imparfait s'il avait supprimé toutes les choses où nous trouvons de telles occasions. Le bien commun ne doit pas être supprimé pour un mal particulier. Dieu est assez puissant pour faire servir au bien toute espèce de mal. Fin de la note. 2. La femme a-t-elle dû être tirée de l'homme? L'Écriture dit formellement, Dieu créa de l'homme un être semblable à l'homme. Ecclésiastique 17, 5, Bible catholique Vigouroux, ne figure pas dans la Vulgate. Il convenait que la femme fût tirée de l'homme. On en donne quatre raisons. Premièrement, cette extraction fait ressortir la dignité du premier homme, qui devient le principe de toute son espèce. Selon cette parole de saint Paul, Dieu a tiré d'un seul toute la race des hommes. Actes des Apôtres 17-26. Deuxièmement, Dieu l'a voulu ainsi, afin que l'homme, sachant que la femme a été tirée de lui, aima davantage celle qui lui est inséparablement unie. De là cette parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Genèse 12, 2. Troisièmement, la femme, sachant, à son tour, qu'elle est tirée de l'homme, le reconnaîtra plus volontiers pour son chef dans les rapports de la vie domestique. La quatrième raison est une raison sacramentelle ou mystique. Une telle origine est la figure de la formation de l'Église, qui a son principe en Jésus-Christ. Pour le faire entendre, l'apôtre disait, « Ce sacrement est grand, je le dis, il est grand dans le Christ et dans l'Église. » Éphésiens 5, 5. 3. La femme a-t-elle dû être formée d'une côte de l'homme? Il était convenable que la femme fût formée d'une côte de l'homme, pour marquer qu'il doit régner entre elle et lui une société véritable. Elle ne fut pas tirée de la tête, parce qu'elle ne doit pas dominer, elle ne fut pas tirée des pieds, parce qu'elle n'est pas une esclave. Ce genre de formation avait encore pour but de figurer les sacrements, c'est-à-dire le sang et l'eau qui devaient découler du corps du Christ dormant sur la croix, et sur lesquels repose l'Église. Note. Dieu forma la femme d'une côte de l'homme par cette puissance qui nourrit plus tard 5000 personnes avec 5 pains. Adam avait reçu cette côte, non comme individu, mais comme chef et principe de sa race. La toute-puissance divine put l'enlever sans douleur. Fin de la note. 4. La femme a-t-elle été formée par Dieu même? Façonner une côte de manière à en faire une femme, disait saint Augustin, c'est ce qui n'appartenait qu'à Dieu seul. J'ignore si, dans cet acte, il a employé le ministère des anges, mais ce qu'il y a de certain, c'est que les anges, qui n'ont pas formé le corps de l'homme avec le limon de la terre, n'ont pas non plus formé le corps de la femme avec la côte de l'homme. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.